au charme montagneux, même au restaurant oriental, avec un pote ou deux. Oh, tu sais, Mila, j'ai du mal à vivre sans toi. Et t'entends, Mila, j'ai aussi perdu ma voix. Et tu sais, Mila, mon sourire et puis ma joie. Mais voilà, Mila, c'est comme ça. C'est comme ça. Même les pieds dans une cascade, mon cœur ne pense qu'à toi. Sur scène chaque semaine, lors des plus beaux concerts. Oh, tu sais, Mila, j'ai du mal à vivre sans toi. Et t'entends, Mila, j'ai aussi perdu ma voix. Et tu sais, Mila, mon royaume c'était toi. Mais voilà, Mila, c'est comme ça. C'est comme ça. Cette fille incroyable qui se casse à tire d'elle. Oh, tu sais, Mila, j'ai du mal à vivre sans toi. Et t'entends, Mila, j'ai aussi perdu ma voix. Oh, tu sais, Mila, mon bonheur c'était toi.